Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. C'est le désormais ex-général-major Évariste Ndayishimiye qui est à la tête du parti CNDD-FDD. Il a été élu secrétaire général à l'issue du congrès extraordinaire de ce parti tenu ce samedi à Gitega. Il a annoncé qu'un immeuble de 18 niveaux sera construit dans cette ville du centre du pays. Les militants de chaque province du Burundi se chargeront d'un niveau de la bâtisse. Et le président de la République a déclaré avoir pris bonne note des amendements proposés par la Commission nationale pour le dialogue inter-burundais, des amendements apportés à la Constitution burundaise. Le président Nkurunziza totarise aujourd'hui une année à la tête du pays pour une nouvelle législature après les élections de 2015. Et le ministère de la Santé demande aux personnes infectées de choléra de ne pas se déplacer dans des voitures privées et d'appeler obligatoirement une ambulance. Il s'agit d'éviter des contaminations à grande échelle. Et le reportage du jour nous conduira à Gitega où l'arbre qui servait dans la fabrication du tambour sacré est menacé d'extinction. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir, un immeuble de 18 niveaux qui sera construit à Gitega par le parti CNDD-FDD. C'est la grande annonce faite par le désormais ex-général-major de l'armée burundaise Évariste Ndayishimiye après son élection comme secrétaire général de ce parti à l'issue du congrès extraordinaire de ce samedi. Arthur Kavabushi nous donne les détails. Dans son premier discours lors du congrès extraordinaire tenu à Gitega ce samedi, le général Évariste Ndayishimiye a exhorté sur les Bagumyabanga à aller au travail pour faire quelque chose dont les Burundais et le monde entier se souviendront toujours. Pour cela, il a vite annoncé qu'un immeuble de 18 niveaux sera construit dans la province de Gitega et que chaque niveau sera construit par chaque province. Ainsi, il a tenu à souligner que cet immeuble sera une occasion de démontrer à ceux qui ne veulent pas le pouvoir du CNDD-FDD et au monde entier que les Burundais eux-mêmes peuvent faire de grandes réalisations sans pour autant recourir à l'aide étrangère. Le nouveau secrétaire général a tenu à rappeler que le discours de guerre ou de violence n'a plus de place au Burundi et que dorénavant le cheval de bataille est le développement tant social qu'économique pour redorer l'image du pays au monde entier. Cela figure parmi les grands chantiers que son prédécesseur Pascal Nyabenda lui a laissé, entre autres, les problèmes liés à la diplomatie ainsi que la pauvreté qui hante le pays, sans oublier les Bagumyabanga. Ce congrès s'est achevé par la remise des certificats d'honneur que le président Pierre Nkurunziza a donné aux Bagumyabanga qui se sont bien comportés, notamment Pascal Nyabenda et l'ombudsman El Hadj Mohamed Rukara. Depuis Gitega, Afrika Vavushi, pour la radio Isanganiro. Merci Arthur. Sachez que Évariste Ndayishimiye, qui était général-major au sein de la Force de défense nationale, avait présenté sa démission de ce corps. Une démission acceptée par le président de la République à travers son décret du 18 juillet cette année, du moins d'après une information qui circule sur les réseaux sociaux. Le président burundais Pierre Nkurunziza, qui totalise aujourd'hui une année à la tête du pays pour une nouvelle législature après les élections de 2015. Dans son discours à la nation, il a promis aux fonctionnaires de l'État qu'ils vont toujours percevoir leur salaire, mais qu'en retour, ils doivent produire un travail de qualité. Le président Nkurunziza a aussi mis en garde ceux qui s'adonnent à des détournements des deniers publics et les gens qui pratiquent le commerce illégal. Pierre Nkurunziza, traduit en français par Léon Suitalio. Que les fonctionnaires de l'État soient tranquilles, ils auront toujours leur salaire. Mais nous leur demandons de travailler dans le strict respect de la loi et des heures de service, qu'ils soient caractérisés par des services de qualité. Des mesures contraignantes seront prises à l'endroit des fonctionnaires qui perçoivent des salaires sans travailler, plus particulièrement ceux des secteurs de l'éducation, de la santé, de la justice, des entreprises publiques, de la police et de l'armée, du commerce, sans oublier ceux des entreprises privées. En ce qui concerne le volet bonne gouvernance, les malfaiteurs doivent être arrêtés et punis conformément à la loi. Nous allons combattre énergiquement ceux qui sont derrière les malversations économiques du pays, ceux qui pratiquent le commerce illicite et ceux qui malmènent les personnes de confiance au travail. Le président Nkurunziza a également parlé du rapport semestriel qui lui a été remis par la Commission nationale de dialogue inter-burundais. Ce rapport contient certains amendements apportés à des lois burundaises, dont la Constitution. La Commission nationale de dialogue inter-burundais nous a déjà donné son rapport qui est donné chaque fois à la fin du semestre. Il montre en général les considérations de la population quant à la modification de certains articles de la Constitution burundaise ou autres lois et nous avons pris bonne note. Bien plus, les Burundais souhaitent avoir un pays caractérisé par la démocratie et la paix durable. Il devrait même y avoir une charte relative conclue entre Burundais pour en faire une préoccupation. Le président de la République, traduit par Léonce Vitariho. L'ONG Reporters sans frontières demande la libération du journaliste Guy Sastev Irakoze de Radio Bouja FM. Celui-ci a été arrêté le jeudi 18 août à Kajaga par des agents du Service national de renseignement, selon le communiqué sorti par l'organisation. Aucun motif d'arrestation ne lui a été signifié au moment de son arrestation. Mais le porte-parole de la police nationale a fait savoir via son compte Twitter qu'il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. La famille du journaliste Guy Sastev craint pour sa santé du moment qu'il souffre du diabète. Et l'on n'a pas de nouvelles du journaliste Jean-Bigrimana de l'hebdomadaire Iwachu et Info Grand Lac qui est toujours introuvable. Il a été kidnappé à Bugarama en commune et province de Muramvya. C'était le 22 juillet. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le ministère de la Santé lance un appel aux personnes infectées ou présentant des symptômes du choléra de ne pas se déplacer dans des véhicules privés, mais plutôt d'appeler une ambulance destinée à évacuer les personnes infectées de cette maladie. Au cas contraire, les personnes infectées peuvent contaminer les autres à cause des microbes qui restent dans ces véhicules. Dr Denise Nhezimana, membre du comité de lutte contre cette maladie, rappelle toutefois que le choléra est une maladie curable si elle est traitée à temps. Suivez-la, c'était au cours d'une conférence de presse ce vendredi. Ingwara ya choléra, ni ingwara ivugwa igakira. Ariko kandi ni ingwara igihe. Le choléra est une maladie qui a un traitement spécifique, mais c'est aussi une maladie dont le patient meurt en un laps de temps lorsqu'il tarde à être traité. 20% de malades de choléra meurent pour cause de déshydratation lorsqu'ils tardent à se rendre à l'hôpital. Nous lançons un appel à la population, toute personne qui remarque un symptôme de cette maladie, qu'elle se rende rapidement à l'hôpital. Le ministre de la Santé a disponibilisé les ambulances à cet effet. Il y a ceux qui préfèrent d'autres moyens de déplacement. Nous appelons à toute personne soupçonnant un symptôme de cette maladie, approchez l'hôpital puisque les ambulances sont à votre disposition pour ne pas propager le choléra. Mu bikorwa ministère ya santé iri kwirakora harimo uko yategekanije ambulances ajejwe gutwara abantu igihe bafashwe. Et dans les nouvelles de Provence, les éleveurs de la commune Mumba en province Ngozi sont appelés à vendre leur quantité de lait aux coopératives de collecte de ce produit de Rukecho en commune Busiga et Gashikanwa. Ces propos sont de David Nzisabira, représentant le Prodéfi en province Ngozi. Propos tenus après des grognes de ces éleveurs qui ont vu la construction d'une telle coopérative depuis 2 ans, mais qui n'est pas fonctionnelle jusqu'à présent. Apollinaire Muzagara. Ce centre coopératif de collecte de lait de Viegua en commune Mumba a été construit il y a environ 2 ans, mais jusqu'à maintenant, ses portes restent fermes. Les éleveurs de cette commune éprouvent donc de difficultés d'écouler leur quantité de lait sur des vaches de race frisonne données par le projet de développement des filières Prodéfi ANSI. David Nzisabira, représentant provincial de ce projet, dit être au courant de cette situation. Il précise que cette coopérative n'est pas fonctionnelle suite au matériel importé de l'étranger qui n'est pas encore sur place. Ce représentant provincial tranquillise tout de même que la commande a déjà été faite, même s'il n'indique pas à quand l'ouverture de ce centre de collecte de lait. David Nzisabira conseille ses éleveurs d'acheminer en attendant leurs produits aux coopératives de collecte de lait de Rukecho en commune Busiga et en commune Gashikan. Les éleveurs de Mumba demandent plus d'efforts pour que cette coopérative ouvre ses portes. Ils déplorent de longues distances parcourues actuellement pour arriver à Busiga et à Gashikan. La commune Mumba a actuellement 221 free zones alors que le produit en avait donné 107 à la fin de 2013. Information fournie par Alexis Vizimungu, vétérinaire communal de Mumba, Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et l'administration de la province de Muyinga lance la campagne de boucher tous les fossés laissés par les orpailleurs. Certains habitants de Muyinga rejettent le caractère obligatoire de la participation de tous citoyens à cette campagne. Les exploitants devraient eux-mêmes boucher ces trous d'après le code de l'environnement. Correspondance d'Odiodonné Nzeyimana. Samedi matin, les chefs de quartier et collines proches du site d'exploitation d'or à Chibali, commune Moyinga, mobilisaient la population sans distinction à participer aux travaux d'eau bouchée des fossés creusés par les empailleurs. Pareils travaux ont eu lieu jeudi dans l'après-midi. Empailleurs ou pas, on doit participer. Le matériel de ceux qui sont réticents à participer est confisqué par les administratifs, balance ou pelle. Ces empailleurs de Chibali creusent non loin des bords de la RN6 reliant le Burundi à la Tanzanie. C'est une menace à la fois environnementale et économique, d'après Lambert Minani, conseiller socio-administratif de l'administrateur de la commune de Moyinga, superviseur des travaux du samedi. Par rapport à la grogne de certains habitants pour qui ces fossés devraient être bouchés par les empailleurs eux-mêmes, conformément au code de l'environnement, ce conseiller les invite à les dénoncer. Tous les exploitants sont aussi des travaux dans l'illégalité. Ce n'est pas la première fois qu'une telle campagne soit lancée. En 2014, c'est le ministre en charge des mines qui a fait la descente sur la même colline de Chibali. Cela n'a pas empêché la poursuite de l'exploitation anarchique. Au vu et aussi des administratifs à la base impuissants face aux riches propriétaires des sites d'exploitation d'or. Je donne Nzeyimana, Muyinga Radio Isanganiro. À la source, reportage. Le Cordillera Africana, arbre dans lequel est fait le tambour sacré, est menacé d'extinction. Cette inquiétude est du directeur de l'Office burundais de protection et de l'environnement, Antenne de Gitega. Pour que cette espèce ne disparaisse, Jean-Marie Natungimana appelle à sa sauvegarde et à sa protection. De son côté, le représentant des tambourinaires de Gishora a dit avoir bien accueilli l'inscription du tambour burundais au patrimoine de l'UNESCO. C'était le 27 novembre 2014. Mireille Kanyangé, de retour de Gishora en province de Gitega. Le tambour du Burundi a une place de choix dans le concert des nations, de sorte que l'agence onusienne de la culture UNESCO l'a inscrit dans son patrimoine culturel, c'était le 27 novembre 2014. Ce grand événement a été très bien accueilli par les tambourinaires de Gishora, en commune Giheta de la province Gitega, bien qu'ils disent n'avoir pas encore eu de valeur ajoutée. Celui-ci est l'un d'eux. Franchement, nous en sommes contents. Nous avons eu la joie d'entendre que nos tambours sont connus sur le plan mondial. Mais alors, c'est dans la tradition de nos ancêtres. Si nous devons battre le tambour pour des raisons pécuniaires, on les aurait déjà abandonnés. Nous n'avons pas encore eu de valeur ajoutée, mais cela n'empêche que nous continuons à aimer notre tambour et avec joie. Selon Antim Balansakage, responsable de ces tambours sacrés de Gishora au centre du pays, la fierté repose sur ce fait que les tambours burundais vont recouvrer leur valeur et qu'ils ne soient plus battus dans n'importe quel événement. Nous avons été contents que ces tambourinaires ainsi que les autres ont entendu que j'ai parlé au nom de tous partout où il y a des arbres sacrés. Cela les a enchantés, d'autant plus que la valeur du tambour burundais doit être préservée, qu'il ne soit plus battu dans n'importe quel événement, disons dans les mariages. Ça n'a jamais été comme ça. Pour que cet arbre sacré ne disparaisse, des initiatives de le planter ailleurs tiennent à cœur ce responsable. L'administrateur m'a promis qu'avant de les propager ailleurs, l'on nous montrera où les planter. Mais également, chacun de ces tambourinaires a planté deux Cordillera Africana pour que dans les années à venir, ils puissent se servir de ce qui est prêt et les chercher ailleurs par après. J'en ai planté un à la commune et à Gitega, près de l'arbre central du Burundi. C'est là où ça se trouve. La Cordillera Africana non scientifique de Lumuvuga Ngoma est en voie d'extinction, raison pour laquelle le responsable de l'Observatoire burundais pour la protection de l'environnement OBPE, Antenne Gitega, appelle à la multiplication et à la protection de cette espèce. Le Cordillera Africana non scientifique de Mouvuga Ngoma, c'est une espèce qui est en voie de dispersion au Burundi. Et en province de Gitega, on a pu identifier cette espèce à Higiro, en commune Gitega, à Gishola, en commune Giheta, là où la fabrication des tambours se fait souvent, même aujourd'hui. C'est une espèce qui est dure, une espèce qui est convoitée, surtout dans la fabrication des tambours. C'est une espèce qu'il faut protéger, d'autant puisque le Burundi a été renommé par le tambour. La germination de l'espèce en question peut durer 6 mois dans les germoires. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Séraphine Hakizimana pour la mise en onde. Micro Jean Bosco Ndouimana, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.